La représentation de la troupe artistique Wang Jiesan s'est déroulée avec succès du 4 au 6 octobre à la ville Kimtsek de la province du Hamgyong du Nord.